faudrait peut-être arrêter de prendre la tête toute la journée. Petit côté mougosier, mon comme la moutarde au nez. C'est pas que j'aime pas digérer, mais parfois j'en ai la nausée. Soudain envie de tout plaquer, mais laisse-moi respirer, vive ma liberté pour mieux me recharger, revenir à toi tout entier. Peut-être reculer, prendre large, voyager. Ton petit côté que t'as oublié, mon cop, t'as besoin de respirer. C'est pas que j'aime t'éloigner, mais parfois de se distancer. Soudain l'envie de tout. Vive notre liberté pour mieux nous recharger, revenir à nous tout oxygéné. Peut-être décoder, c'est me prendre sans trop me forcer. Ton petit côté olé olé, monte comme tu n'as pas changé. C'est toi que j'aime caresser, même parfois de se connecter. Mais laissons-nous aller, vive la liberté pour mieux nous recharger, revenir à nous tout entier. Mais laissons-nous aller, vive la liberté pour mieux nous recharger, revenir à nous tout entier.